9.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Pendant les vacances d'été, il y a 2 ans, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, Mireille, Cécile et Marie-Laure, leur cousin Georges et leur cousine Yvonne, sont seuls dans une maison louée en commun par les deux familles. Pendant les vacances d'été, pendant les vacances d'été, il y a 2 ans, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, Mireille, Cécile et Marie-Laure, leur cousin Georges et leur cousine Yvonne sont seuls dans une maison louée. À quel moment sommes-nous ? Pendant les vacances d'été, il y a 2 ans, où Mireille, ses sœurs et ses cousins sont-ils ? À Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, est-ce que leurs parents sont avec eux ? Non, ils sont seuls. Est-ce que cette maison est au Bello ? Non, c'est une maison louée. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. On est belle en Bretagne. Hein. Oui, c'est mortel la mer quand il pleut. Il n'y a rien à faire. Tu vois la belote ? À la pelote dans la maison ? On a fait la place. Mais non, Bécasse. À la belote, pas à la pelote. Tu es sourde ou quoi ? On ne va pas jouer à la pelote basque en Bretagne. Mais on peut jouer aux cartes. À la belote, au bridge, au poker, à l'écarté. On peut jouer aux échecs ou aux dames, c'est moins compliqué. Oh non, tout ça c'est mortel. Jouons plutôt à faire des portraits. Ah, c'est bien notre chance. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Est-ce qu'il fait beau ? Quel temps fait-il ? Il pleut. Est-ce que ça fait longtemps qu'il pleut ? Ça fait 3 jours qu'il pleut. Elle est belle, votre Bretagne. Oui, c'est mortel la mer quand il pleut. C'est mortel la mer quand il pleut. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est amusant la mer quand il pleut ? Non, c'est mortel. Pourquoi est-ce que c'est mortel ? Parce qu'il n'y a rien à faire. Jouons à la belote. Jouons à la belote. À la pelote ? Dans la maison ? On n'a pas la place. On n'a pas la place. Mais non. Mais non. À la belote. Pas à la pelote. Tu es sourde ou quoi? Tu es sourde ou quoi? On ne va pas jouer à la pelote basque en Bretagne, mais on peut jouer aux cartes. À la belote, au bridge, au poker, à l'écarté. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer à la pelote basque dans la maison? Parce qu'on n'a pas la place. À quoi est-ce qu'on peut jouer dans la maison? Aux cartes, à la belote, au bridge, au poker, à l'écarté. On peut jouer aux échecs. On peut jouer aux dames. C'est moins compliqué. Ah non, tout ça, c'est mortel. Jouons plutôt à faire des portraits. Jouons plutôt à faire des portraits.